Intermède premier. Mrs. Noel Vanstone à Mestoloscombe, Park Terrace, St. John's Wood, le 5 novembre. Cher monsieur, je suis arrivé hier à Londres pour y voir une parente, laissant Mr. Vanstone à Balliol Cottage et me proposant de l'aller rejoindre d'ici à 8 jours. Débarqué assez tard dans la capitale, je me suis fait conduire dans ce logement que j'avais d'avance retenu par écrit. Le courrier de ce matin m'apporte une lettre de ma femme de chambre que j'avais laissée à Balliol Cottage avec l'ordre de m'écrire s'il s'y passait en mon absence quelque chose d'extraordinaire. Vous trouverez sous ce pli la missive de cette fille. Je l'ai quelque peu pratiquée et je crois qu'on peut absolument compter sur la sincérité de son récit. Je vous épargne à dessein toutes allusions inutiles à ce qui me concerne. Quand vous aurez lu la lettre de ma femme de chambre, vous comprendrez sans peine combien j'ai dû être troublé par les nouvelles que cette lettre m'apporte. Je ne puis que répéter ceci, j'ai toute confiance en la personne qui l'a écrite. Je suis donc fermement convaincu que l'ancienne femme de charge de mon mari a fini par découvrir ses traces, qu'en mon absence, elle a su abuser de sa faiblesse et qu'elle a obtenu de lui le changement de ses dispositions testamentaires. D'après tout ce que je sais de cette femme, je ne doute nullement qu'elle n'ait usé de son influence sur Mr. Vanstone pour m'enlever, si cela est possible, toute participation future à la fortune de mon mari. Dans de telles circonstances, il est particulièrement essentiel, pour bien des raisons impossibles à énumérer ici, que je voie Mr. Vanstone, et que j'ai avec lui une explication définitive dans le plus bref délai possible. Vous verrez que ma femme de chambre a eu l'attention de garder sa lettre ouverte, jusqu'au dernier moment avant l'heure de la poste. Tout ce qu'elle a pu néanmoins m'apprendre de plus récent, c'est que Mrs. LeCount devait la nuit dernière coucher au cottage et qu'elle et Mr. Vanstone comptaient ce matin partir ensemble. Sans ce dernier renseignement, je serais déjà sur la route d'Écosse. Mais les choses étant ainsi, je ne sais vraiment quelle marche suivre. Mon retour à Dumfries, du moment où Mr. Vanstone en est parti, me semble un voyage sans but, et d'un autre côté, je trouve presque également inutile de rester à Londres. Voudrez-vous, par vos bons conseils, m'aider à sortir de cette impasse? J'irai vous trouver à Lincoln's Inn, à n'importe quelle heure de cet après-midi ou de la journée de demain que vous prendrez la peine de m'indiquer. D'ici à quelques heures, je ne suis pas libre. À peine cette lettre envoyée, je vais partir pour Kensington, afin de vérifier si certains soupçons que j'ai sur les moyens employés par Mrs. LeCount pour nous découvrir ont ou non une base solide. Si vous voulez bien m'envoyer votre réponse courrier par courrier, je serai certainement de retour à St. John's Wood assez à temps pour la recevoir aussitôt. Croyez-moi, mon cher monsieur, votre dévoué, Magdalen Vanstone. Intermède deuxième, Mr. Loscombe à Mrs. Noel Vanstone, Lincoln's Inn, le 5 novembre. Ma chère dame, votre lettre et son incluse m'ont affligé, surpris au plus haut point. Les affaires dont je suis accablé ne me permettent de vous voir ni aujourd'hui ni demain matin. Mais s'il vous convient de venir me trouver demain dans l'après-midi vers 3 heures, je serai alors à votre disposition. Je ne saurais exprimer une opinion positive avant de posséder quelques détails de plus sur les faits étranges qui me sont communiqués et par votre lettre et par celle de votre femme de chambre. Mais, sous cette réserve, je crois pouvoir vous suggérer qu'en restant à Londres jusqu'à demain, vous avez la chance d'arriver à d'autres résultats qu'à une simple consultation dans le cabinet de votre serviteur. Il est tout au moins possible que nous recevions, vous ou moi, par le courrier du matin, de plus amples renseignements sur cette bizarre affaire. Je suis, ma chère dame, très fidèlement à vous, John Loscombe. Intermède troisième, Mrs. Noel Vanstone à Miss Garth, le 5 novembre, 2 heures. J'arrive à l'instant de Westmoreland House, d'où je suis sorti secrètement, et cela tout exprès pour éviter de me rencontrer avec vous dans votre propre maison. Vous saurez pourquoi j'y suis allé, pourquoi j'en suis ainsi sorti. Je dois à mes souvenirs d'autrefois de ne vous point traiter en étrangère, bien qu'il me soit impossible de vous traiter désormais en ami. J'arrivais hier à Londres, venant des comtés du Nord. Mon unique motif pour faire ce long voyage était le désir de revoir Nora. Depuis bien des semaines, j'étais tourmenté par des remords, connus seulement des pauvres femmes de mon espèce. Peut-être m'avait-il énervé, peut-être avait-il éveillé en moi des sentiments de vieille date que je croyais oublier. Dieu sait ce qu'il en est. Je ne me charge pas de l'expliquer. Tout ce que je puis vous dire, c'est que je pensais à Nora pendant le jour, que je rêvais de Nora pendant la nuit, et qu'à force de pensées et de rêves pareils, une sorte de nostalgie me dévorait. Je ne saurais assigner une meilleure raison à l'imprudence que j'ai commise en venant la voir à Londres. Je ne veux pas m'attribuer un mérite qui n'est pas le mien. Je ne prétends pas vous laisser croire que j'étais la créature corrigée et repentante à laquelle toute votre approbation eût été acquise. Je n'avais qu'un mobile dont je puisse rendre compte. Il me fallait entourer de mes bras le cou de Nora, et dans le sein de Nora laisser déborder toutes les larmes de mon cœur. Voilà qui est assez puéril, j'ose le dire. Quelque chose cependant pouvait résulter de là. Peut-être aussi n'en serait-il rien résulté, qui sait. Il m'était impossible de trouver Nora sans votre secours. Quelle que fût votre désapprobation du parti que j'ai pris, je pensais que vous ne pourriez me refuser de me mettre en rapport avec ma sœur. Étendue la nuit dernière, dans un lit étranger, je me disais « C'est au nom de mon père et de ma mère que j'adjurerais Miss Garth de m'indiquer où est Nora. Vous ne savez pas toute la consolation que je puisais dans cette pensée. Et au fait, qu'en pouvez-vous savoir? Que savent les honnêtes femmes, comme vous, des misérables pécheresses comme moi? Tout ce que vous en savez, c'est que vous priez pour nous à l'église. » Eh bien, cette nuit-là, pour la première fois depuis mon mariage, je m'endormis presque heureuse. Le matin venu, j'expiais rudement à cet audacieux bonheur d'une seule nuit. Le matin venu, arriva aussi une lettre où l'on m'apprenait que ma plus cruelle ennemie, vous savez assez de mes affaires pour deviner qui je veux dire, avait profité de mon absence pour se venger de moi. Obéissant à l'impulsion qui m'amenait auprès de ma sœur, j'avais sans le savoir couru vers ma ruine. Lorsque j'eus reçu la nouvelle de ce désastre, il était déjà impossible d'y porter remède. Quoi qu'il fût arrivé, quoi qu'il pût arriver encore, je persistais dans ma résolution de revoir Nora, préalablement à toute autre démarche. Je vous soupçonnais d'être pour quelque chose dans le malheur qui venait de fondre sur moi, parce que j'avais acquis la certitude, pendant mon séjour d'Aldborough, qu'une correspondance s'était établie entre Mrs. LeCount et vous. Mais je n'avais jamais soupçonné Nora. En ce moment même, si j'étais couché sur mon lit de mort, je pourrais affirmer en toute conscience que je n'avais jamais soupçonné Nora. J'allais donc ce matin à Westmoreland House vous demander l'adresse de ma sœur et vous dire tout net que je vous soupçonnais d'avoir repris votre correspondance avec Mrs. LeCount. Lorsque je manquai de vous à la porte, on m'annonça que vous étiez sorti, mais que vous deviez rentrer sous très peu de temps. On me demanda si je voulais voir votre sœur, qui, dans ce moment-là même, présidait une classe. Je demandai simplement qu'on m'indiquât une chambre où il me fût loisible d'attendre votre retour. On me conduisit au rez-de-chaussée, dans cette pièce double séparée par des portières, que vous connaissez de reste, et que je retrouvais dans le même état où je l'avais laissée. Il y avait du feu dans la partie antérieure de cette chambre, il n'y en avait pas dans celle du fond, et c'est pourquoi, sans doute, on avait laissé retomber les portières. La domestique se montrait fort polie et fort attentive pour moi. J'ai appris à savoir gré aux gens de leur politesse et de leurs attentions. Aussi, lui parlais-je avec tout l'enjouement, toute la familiarité qui m'était possible. « Je verrai Miss Garth, lui disais-je, lorsqu'elle montra le perron, et je pourrai lui faire signe à travers cette grande porte-fenêtre. » La domestique me répondit que je le pourrais effectivement, si vous rentriez de ce côté, mais qu'il vous arrivait quelquefois, ayant une clé particulière, de revenir par le guichet du jardin et les derrières de la maison. Dans ce cas, elle prendrait soin de vous avertir que j'étais là. Je nommais aucune de ces bagatelles pour vous bien démontrer qu'en venant chez vous, je ne préméditais aucune espèce de manœuvre frauduleuse. Vous n'arriviez pas, et le temps me semblait long. Je ne sais si mon impatience me le faisait trouver tel. Je ne sais pas davantage si le grand feu allumé dans la chambre en avait réellement élevé la température au degré où elle me semblait l'être. Je sais seulement qu'au bout d'un certain temps, je soulevais les portières pour passer dans la section du fond où j'allais chercher un peu de fraîcheur. Je poussai jusqu'à la porte-fenêtre qui donne issue dans l'arrière-jardin afin de regarder si vous veniez. Presque au même instant, j'entendis ouvrir la porte de la chambre que je venais de quitter. et votre voix ainsi que celle d'une autre femme, laquelle m'était inconnue, engageait une causerie. Cette dernière devait être, j'imagine, une de vos dames pensionnaires. Les premières paroles échangées entre vous m'apprirent que vous l'aviez rencontrée dans le corridor, elle se trouvant au bas de l'escalier et vous arrivant de l'arrière-jardin. La question qu'elle vous fit ensuite et votre réponse à cette question m'informèrent que cette personne était une amie de ma sœur. S'intéressant vivement à elle et sachant que vous arriviez à l'instant même de chez Nora. Jusqu'alors, j'avais simplement hésité à me montrer parce qu'il me répugnait, dans ma pénible situation, de me trouver en face d'une étrangère. Mais, lorsqu'immédiatement après j'entendis mon nom sur vos lèvres et sur les siennes, alors, de propos délibérés, je me rapprochai du rideau qui nous séparait et de propos délibérés, je prêtai l'oreille. Un acte déshonorant, direz-vous ? Déshonorant, si vous voulez, d'une femme comme moi, cela ne doit pas vous étonner. Vous avez toujours été renommée pour votre excellente mémoire. Inutile, par conséquent, de vous répéter ce que vous disiez à votre ami, et ce que votre ami vous disait il n'y a guère plus d'une heure. Au moment où ces lignes passeront sous vos yeux, vous saurez aussi bien que je le sais moi-même ce qui m'a été révélé par vos mutuels propos. Je ne demande aucun détail. Je tiens pour valable, si vous le voulez, toutes vos raisons, toutes vos excuses. Il me suffit de savoir que vous et Mr. Pendril avez repris vos recherches et que Nora, cette fois, est du complot tramé pour me ramener malgré moi sous votre influence. Il me suffit de savoir qu'on a fait, de ma lettre à ma sœur, un piège pour me surprendre et que la vengeance de Mrs. LeCount a dû ses moyens de réussite à des renseignements sortis de la bouche de Nora. Faut-il vous dire ce que j'ai souffert en entendant tout ceci ? Non, je perdrai mon temps à vous le raconter. Tout ce que je puis et pourrais souffrir, je l'ai mérité d'avance, n'est-il pas vrai ? Je demeurai dans cette chambre du fond, connaissant mon humeur violente et n'osant plus, après ce que je venais d'entendre, me retrouver face à face avec vous. J'attendais dans cette chambre du fond, et le cœur me battait à l'idée que la domestique pourrait vous prévenir de ma visite avant que j'eusse trouvé les moyens de quitter la maison. Ce malheur n'arriva point. La domestique, sans doute, avait entendu des voix à l'étage supérieur et supposait que nous avions dû nous rencontrer dans le corridor. Après un laps de temps dont je ne saurais déterminer la durée, vous sortîtes pour aller déposer votre chapeau. Vous sortîtes et votre ami sortit avec vous. J'ouvris sans bruit la porte de fenêtre et je descendis dans l'arrière-jardin. La route que vous aviez suivie pour entrer, je la suivis pour m'enfuir. Aucun blâme dans tout ceci n'a été encouru par la domestique. Ainsi qu'il arrive toujours quand il s'agit de moi, c'est moi seul qui suis à blâmer. Le temps qui s'est écoulé depuis lors a suffi pour calmer un peu mon esprit. Vous savez de quelle force le ciel m'a doué. Vous savez comment je luttais tout enfant contre les maladies de mon âge. Devenue femme, je lutte de même contre les misères qui m'assiègent. Ne me plaignez pas, Miss Garth, ne me plaignez pas. Je n'ai aucun ressentiment contre Nora. L'espérance que j'avais de la revoir est rayée du nombre de mes espérances. La consolation que j'éprouvais en lui écrivant, je ne l'aurai plus désormais. Le coup m'a frappé au cœur, mais je n'éprouve contre ma sœur aucune espèce d'irritation. Elle croyait bien faire, la pauvre enfant, elle croyait bien faire, j'en suis certaine. Si ce qui est arrivé lui était connu, elle en éprouverait un vif chagrin. Ne le lui dites pas. Cachez-lui ma visite et brûlez ma lettre. Un dernier mot à votre adresse et j'aurai fini. Si je comprends bien ma situation actuelle, les espions que vous avez lancés sur mes traces me poursuivent aussi vainement qu'ils me poursuivaient à York. Congédiez-les. Vous prodiguez votre argent en pure perte. Supposons que demain vous sachiez où je suis, que pourriez-vous faire ? Ma position a changé. Je ne suis plus la pauvre enfant proscrite, l'actrice bohémienne à laquelle jadis vous donniez chasse. Ainsi que je vous l'avais annoncé, j'ai mis de mon côté, j'ai pris pour complice le sentiment universel du convenable. Savez-vous bien qui je suis ? Je suis une respectable épouse à qui, sous le ciel, personne autre que son mari ne doit demander compte de ce qu'elle fait. J'ai enfin conquis une place dans le monde, un nom que le monde ne saurait me contester. La loi elle-même, votre ami, à vous autres honnêtes gens, la loi sanctionne mon existence et je puis moi aussi la regarder comme mon ami. L'archevêque de Canterbury a fourni la licence en vertu de laquelle je suis marié, et c'est le recteur d'Aldborough qui a présidé à la cérémonie du mariage. Si je m'apercevais que vos espions me suivent dans la rue, et si je demandais à être protégé contre eux, les tribunaux seraient contraints d'admettre ma prétention. Vous oubliez vraiment toutes les merveilles que ma perversité a réalisées en ma faveur. L'enfant de personne, grâce à elle, est devenu la femme de quelqu'un. Si vous accordez à ces considérations tout le poids qu'elles méritent, et si vous déployez en cette occasion le bon sens qui vous distingue, je ne crains pas de me voir contrainte à réclamer l'appui de ma nouvelle amie et protectrice, l'appui de la loi. Vous comprendrez pour le coup que votre intervention dans mes affaires a finalement produit quelques résultats. Je suis séparé de Nora. Mon mari sait qui je suis. Mrs. LeCant triomphe de moi. Vous m'avez réduite aux dernières extrémités. Vous m'avez armé pour le combat de la vie de cette résolution que peut seule posséder une femme désormais perdue et sans amis. Si mal que vos plans aient tourné d'ailleurs, ils n'en auront pas moins eu, à certains égards, leur utilité. Je n'ai plus rien à vous dire. Si jamais vous parlez à Nora de sa pauvre sœur, annoncez-lui de ma part qu'un jour peut venir où elle me reverra. Celui où, toutes deux, nous serons rentrés dans les droits que nous tenions de la nature, celui où, dans les mains de Nora, je pourrai replacer la fortune enlevée à Nora. Telles sont mes dernières paroles. Rappelez-vous-les, si jamais vous étiez tenté d'intervenir encore dans ce qui me touche. Magdalene Vanstone. Intermède 4e, Mr. Loscombe, Mrs. Noel Vanstone, Lincoln's Inn, le 6 novembre. Ma chère dame, le courrier de ce matin vous a sans doute apporté la terrible nouvelle qui m'est aussi parvenue. Vous devez savoir à l'heure qu'il est, qu'une affliction terrible est venue fondre sur vous, et que votre mari vous a été enlevé par une mort soudaine. Je suis au moment de partir pour le Nord, où je vais faire toutes les enquêtes voulues, et remplir tous les devoirs que la circonstance m'impose, comme avocat du défunt. Laissez-moi vous recommander très sérieusement de ne point me suivre à Balliol Cottage avant que je n'aie eu le temps de vous écrire et de vous faire passer les conseils que je ne saurais vous offrir dès aujourd'hui, faute de connaître assez toutes les circonstances de ce décès inattendu. Vous pouvez compter sur une lettre de moi, expédiée par le premier courrier postérieur à mon arrivée en Écosse. Je suis, ma chère dame, votre bien dévoué, John Loscombe. Intermède 5e, Mr. Pendrell à Miss Garth, Searle Street, le 6 novembre. Chère Miss Garth, je vous retourne la lettre de Mrs. Noel Vanstone. Rien ne m'étonne dans la mortification que vous cause le ton sur lequel cette lettre est écrite, et dans le chagrin que vous éprouvez en voyant cette malheureuse jeune femme interpréter comme elle l'a fait la conversation qu'elle a surprise chez vous. Je ne saurais ajouter, sans trahir la vérité, que je déplore cet incident. Depuis ceux dont Cambraven a été le théâtre, mon opinion n'a jamais changé. Je regarde Mrs. Noel Vanstone comme une des femmes les moins retenues, les plus téméraires et les plus perverties qui soient au monde. Tout ce qui l'éloigne et l'isole de sa sœur est accueilli par moi, vu l'intérêt que je porte à cette dernière, comme ce qui peut arriver de plus favorable. Il n'y a pas à hésiter un instant sur la marche que vous devez adopter en cette matière. Mrs. Noel Vanstone elle-même reconnaît que nous devons tout faire pour épargner à sa sœur un surcroît de chagrins inutiles. Laissez donc, il le faut absolument, Miss Vanstone ignorer la visite à Kensington et la lettre qui a suivi cette visite. Il ne serait pas seulement imprudent, il serait tout à fait cruel de l'éclairer à ce sujet. Si nous pouvions apporter quelques remèdes, ouvrir quelques perspectives favorables, je comprendrais que nous hésitations à garder notre secret. Mais il n'y a ni remède à conseiller, ni espérance à faire luire. Mrs. Noel Vanstone envisage sa position sous le jour le plus vrai. Ni vous ni moi ne pouvons réclamer sur elle le plus léger droit de surveillance ou d'autorité. J'ai déjà pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à nos inutiles recherches. D'ici à peu de jours, j'écrirai à Miss Vanstone et je m'efforcerai de calmer ses inquiétudes au sujet de sa sœur. Si je ne trouvais pas d'éclaircissement convenable à lui fournir, mieux vaudrait lui laisser croire que nous n'avons rien su découvrir plutôt que de lui révéler la vérité. Croyez-moi toujours bien à vous, William Pendrell. Intermède 6e, Mr. Loscombe à Mrs. Noel Vanstone, Lincoln's Inn, le 15 novembre. Particulière. Ma chère dame, conformément à votre demande, je me détermine à vous communiquer par écrit des choses que j'aurais préféré vous dire de vive voix, sans la catastrophe récente qui vient de troubler votre existence. Veuillez considérer cette lettre comme strictement confidentielle de vous à moi. J'y joins, ainsi que vous l'avez désiré, une copie du testament exécuté par feu votre mari le 3 de ce mois. L'authenticité du document original ne peut être mise en question. J'ai protesté pour la forme contre les actes par lesquels l'avocat de l'amiral Bartram semblait revendiquer à Balliol Cottage une autorité que provisoirement nous ne devons pas lui reconnaître. Mais il n'en a pas moins pris l'administration des biens comme représentant légal de l'unique exécuteur désigné par le second testament. Je suis obligé de dire qu'à sa place j'en aurais fait tout autant. Arrive la question essentielle. Comment agir au mieux de vos intérêts? Le testament rédigé d'après mes conseils et mes indications le 30 septembre dernier est maintenant annulé, révoqué par un acte subséquent en date du 3 novembre. Pouvons-nous contester ce dernier document? Je doute à première vue que cela soit possible. La rédaction du dernier testament n'est certainement pas tout à fait régulière, mais il est daté, signé, authentiqué comme la loi l'exige, et les clauses qu'il renferme, clauses parfaitement simples et claires, ne prêtent le flanc à aucune attaque de pure forme, à aucune, du moins, dont je me sois avisé jusqu'ici. En pareille circonstance, pourrions-nous contester la validité du testament en nous fondant sur ce qu'il aurait été exécuté à une époque où les testateurs n'étaient pas en état de régler valablement la disposition de ses biens, ou encore, alors que le testateur était sous le coup d'influences illégitimes et en butte à des obsessions immorales? Contre la première de ces objections s'élèverait, très probablement, le témoignage des hommes de l'art. Nous ne pouvons affirmer que des souffrances antérieures eussent affaibli l'intelligence du testateur. Il est évident qu'il est mort soudainement, comme main et main médecin l'avaient tour à tour prédit, par suite d'une maladie de cœur. Le jour même de sa mort, il s'était promené dans son jardin comme à l'ordinaire. Il avait dîné de bon appétit. Aucune des personnes attachées à son service n'avait constaté chez lui de changements essentiels. Peut-être s'était-il montré envers elle un peu plus irritable que de coutume, mais c'était tout. Il est impossible de s'en prendre à l'état de ses facultés et de ce côté-là, nulle base à un litige quelconque. Pouvons-nous affirmer qu'il a testé sous une influence illégitime, parlons plus net, sous l'influence de Mrs. LeCount? Ici encore se présentent de graves difficultés. Nous ne saurions, par exemple, établir que Mrs. LeCount s'est fait assigner, par le testament, des avantages supérieurs à ceux qu'elle pouvait légitimement réclamer. Elle a fort habilement limité les libéralités dont elle est l'objet. Je ne dis pas seulement à l'importance des services qu'on rétribue ainsi, mais encore, et très strictement, à ce que feu Mr. Michel Vanstone lui-même avait l'intention de lui laisser. Si on en venait à m'examiner là-dessus, je serais obligé de reconnaître que je l'avais entendu moi-même manifester cette intention. Le fait est qu'il l'a exprimé devant moi, et cela dans maintes et maintes circonstances. Le legs de Mrs. LeCount est donc inattaquable, et j'en dois dire autant du choix qu'a fait votre défunt mari en désignant son exécuteur testamentaire. Il a très sagement, très naturellement, choisi le plus ancien et le plus fidèle ami qu'il eut au monde. Reste un point à éclaircir, le plus essentiel de ceux que j'avais à traiter, et je devais, par conséquent, le réserver pour la fin. Par le testament du 30 septembre, la veuve du testateur est désignée comme unique exécutrice et légataire de 80 000 livres sterling. Le 3 novembre suivant, le testateur révoque expressément ce premier acte et le remplace par un autre, dans lequel il n'est plus question de sa veuve et par lequel toute la masse de ses biens, déduction faite d'un legs relativement insignifiant, se trouve dévolue à un de ses amis. Vous seul pouvez dire, madame, s'il existe ou non, et s'il se peut alléguer ou non quelque raison valable qui donne la clé d'une conduite aussi extraordinaire. si aucun motif ne peut lui être assigné, pour ma part je n'en connais aucun, je crois que nous avons examiné sérieusement ce côté de la question. De ce côté, en effet, le testament pourrait n'être pas inattaquable. Veuillez bien comprendre que je m'adresse à vous en ce moment comme un simple avocat obligé d'étudier une à une toutes les éventualités d'une affaire épineuse. Je ne prétends nullement être mis au courant de ce qui vous concerne seul. Je voudrais bien moins encore tracer un seul mot qui se peut interpréter, même indirectement, à votre désavantage. Si pour autant que vous pouvez en savoir, vous me dites que votre mari vous a rayé de son testament par un caprice pur et simple, sans raison ni motif pour agir ainsi, et sans qu'on puisse expliquer sa conduite autrement que par son aveugle soumission à l'influence de Mrs. LeCount, je prendrai immédiatement une consultation sur les chances qu'on peut avoir en contestant de ce chef le testament qui vous lèse. Si, d'autre part, vous me dites qu'il existe des raisons, connues de vous, bien qu'elles ne le soient pas de moi, pour ne pas adopter la marche que je propose, j'accepterai cette indication sans vous donner l'ennui d'entrer dans des explications plus complètes, à moins que vous ne le désiriez vous-même. En supposant que la seconde des deux hypothèses vienne à se réaliser, je vous écrirai de nouveau, car j'aurai alors à vous dire, au sujet du testament, une chose qui peut-être vous étonnerait fort. Votre tout dévoué, John Loscombe. Intermède 7e, Mrs. Noel Vanstone à Mr. Loscombe, le 16 novembre. Cher monsieur, recevez tous mes remerciements pour la bonté, les égards que vous m'avez témoignés. Ne vous en prenez qu'à mes anxiétés actuelles, si je réponds à votre lettre, sans la moindre cérémonie et en aussi peu de mots que possible. J'ai mes raisons pour résoudre négativement et sans la moindre hésitation la question que me pose votre lettre. Il nous est impossible de déférer le testament aux tribunaux en attaquant cet acte ainsi que vous le proposez. Veuillez croire, mon cher monsieur, à toute ma reconnaissance. Magdalene Vanstone. Intermède 8e, Mr. Loscombe à Mrs. Noel Vanstone, Lincoln's Inn, le 17 novembre. Ma chère dame, laissez-moi vous accuser réception de votre lettre, qui, pour raison à vous connue, rejette ma proposition. Dans ces circonstances, sur lesquelles je m'interdis toute espèce de commentaire, je vous demanderai la permission de remplir ma promesse, en traitant de nouveau avec vous un sujet qui vous intéresse, le testament de feu votre mari. Veuillez examiner la copie de ce document que j'ai pris soin de vous faire passer. Vous y verrez la clause qui attribue à l'amiral Bartram, déduction faite du legs particulier, la masse des biens de votre mari, terminée de la manière suivante, pour être par lui employé à tels usages qu'il trouvera convenable. Si simple qu'elle puisse vous sembler, ce sont là des expressions fort remarquables. Premièrement, aucun praticien ne s'en serait servi en rédigeant pour votre mari une formule d'acte testamentaire. En second lieu, elles ne peuvent en aucune manière servir à l'accomplissement d'un vœu légitime et simplement conçu. Le legs fait à l'amiral n'est soumis à aucune condition restrictive, et tout d'un trait on ajoute qu'il pourra l'employer comme il jugera convenable. La phrase conduit évidemment à une de ces deux conclusions, ou bien celui qui l'a écrite l'a laissé tomber de sa plume par pure ignorance, ou bien il l'a tout exprès insérée à la place qu'elle occupe, pour faciliter une fraude ou tendre un piège quelconque. Je suis fermement convaincu, quant à moi, que des deux interprétations, la dernière est la mieux fondée. Ces mots ont pour but express de mettre quelqu'un, vous sans doute, sur une fausse voie, et l'esprit de ruse qui les a dictés, ceci arrive presque toujours quand des personnes sans instruction interviennent dans la rédaction de documents légaux, cet esprit a dépassé le but qu'il voulait atteindre. Une expérience de 30 ans me fait donner au passage en question un sens diamétralement contraire à celui qu'il exprime. Je dis, moi, que l'amiral Bartram n'est pas libre d'employer comme il le jugera convenable le produit du legs qui lui est fait. Je crois que son droit à cet égard est secrètement limité par quelques documents supplémentaires sous forme de contre-lettres. Je puis facilement vous expliquer ce que ce mot signifie. C'est, d'ordinaire, une lettre écrite par l'auteur d'un testament aux individus choisis pour en être exécuteurs et par laquelle il les informe secrètement d'intentions qu'il n'a pas jugé à propos d'avouer dans l'acte de ses dernières volontés. Je vous laisse sans lire, et j'écris une lettre particulière qui vous enjoint, une fois le legs reçu, de ne pas le détourner à votre profit, mais de le remettre à quelque tierce personne que, pour un motif ou pour un autre, je n'ai pas voulu nommer dans mon testament. C'est ce qu'on appelle une contre-lettre. Si je suis à bon droit convaincu qu'un document tel que je viens de le décrire est en ce moment entre les mains de l'amiral Bartram, conviction fondée en premier lieu sur les expressions singulières que je vous ai citées, en second lieu sur des considérations d'ordre purement légal dont il est inutile d'encombrer ma lettre, si cette opinion se trouve en un mot fondée, la découverte de la contre-lettre serait, selon toute probabilité, fort essentielle pour vos intérêts. Je ne vous fatiguerai pas des raisons techniques ou des précédents que me fournirait mon expérience en ces matières. Un homme du métier pourrait seul y comprendre quelque chose. Je me bornerai à dire ceci. Je n'abandonnerai votre cause comme entièrement perdue que lorsqu'on m'aura démontré la fausseté de la conviction maintenant arrêtée en mon esprit. Je ne puis rien ajouter de plus, tant que cette question essentielle demeure enveloppée de doutes, et je n'ai aucun moyen à suggérer pour obtenir que ces doutes se dissipent. Si l'existence de la contre-lettre était démontrée, et si on me faisait connaître la nature des stipulations qu'elle renferme, je dirais alors bien positivement quelle chance elle vous donne de faire invalider le testament par les tribunaux. Je vous dirai aussi jusqu'à quel point je me sens autorisé, oui ou non, à me charger moi-même de cette instance, moyennant les arrangements particuliers que nous pourrions prendre d'un commun accord. Les choses étant ce qu'elles sont, je ne puis ni poser les bases d'un tel arrangement, ni vous offrir aucun conseil. Il m'est seulement loisible de vous mettre confidentiellement au courant de l'opinion que j'ai conçue en mon particulier, vous laissant d'ailleurs entièrement libre d'en tirer vous-même les conclusions, et regrettant de ne pouvoir vous écrire avec plus de certitude et de précision que je ne l'ai fait. Je vous ai dit au surplus tout ce que je pouvais consciencieusement dire sur cette question, à la fois très difficile et très délicate. Croyez, ma chère dame, à tout mon dévouement, John Loscombe. Intermède 9e. Mrs. Noel Vanstone à Mr. Loscombe. Mon cher monsieur, j'ai lu et relu votre lettre avec l'intérêt le plus vif et l'attention la plus soutenue. Plus je la relisais et plus s'est fortifiée en moi la croyance qu'il existe bien réellement, aux mains de l'amiral Bartram, une lettre comme celle dont vous parlez. J'ai le plus grand intérêt à découvrir si elle existe, et je vous avouerai sans détour que je suis résolu à chercher les moyens d'arriver à cette découverte, en secret et de la manière la plus certaine. Ma détermination a d'autres motifs que ceux auxquels vous devez l'attribuer naturellement. Je vous dis ceci pour le cas où vous seriez tenté de m'adresser à ce sujet quelques remontrances. Je puis vous assurer, en toute raison, que ces remontrances seraient absolument vaines. Pour ce qui est de ceci, je ne réclame aucune assistance, je ne demanderai conseil à personne. Vous ne serez impliqué dans aucune des témérités que je pourrais me permettre. J'encourrai seul tous les dangers que pourra présenter une telle entreprise. Quels que soient les retards, les délais qu'il faille subir avant d'arriver à mes fins, ils ne lasseront pas ma patience. Je suis seul au monde, sans amis, soumise à de dures épreuves morales. Mais je me sens assez de force pour m'offrayer une route à travers des obstacles bien autres que ceux-ci. Mon courage se relèvera. Mon jour doit venir. Si l'amiral Bartram est détenteur de cette contre-lettre, vous la verrez dans mes mains le jour où je me présenterai devant vous. Votre bien reconnaissante, Magdalene Vanstone.